Niko nalamkia kila nduku na kila dada mjini Yesu Kristo. Niko nalamkia pia banduku na badada benye kutufuata ku internet. Je salue également les frères et sœurs qui nous suivent à l'internet. Nabo niko nalamkia mjini Yesu Kristo. Également je les salue dans le nom de Jésus Christ. Tuko na furaha, tuko na patikana mu nyumba ya Mungu. Nous sommes encore dans la joie parce que nous nous retrouvons dans la maison de Dieu. Njo furaha yetu mwili ya bumuntu. C'est ça notre joie dans cette corps de chair. Tuko biumbe bya wakati. Nous sommes les créatures du temps. Kitu kiabe tulipata pa dunia ni paka hii neno ya Mungu. La chose la plus précieuse que nous avons reçu dans ce monde, c'est la parole de Dieu. Bile tuko napata sawa manyumba. Tout ce que nous avons comme maison, magari, quelques voitures, batoto, les enfants, ma compte ku banki, les comptes à la banque, abina bya kabaila sana, ce ne sont pas très importants. Juni bitu bya wakati, ce sont les choses du temps. Mais Mungu le tulipata, mais le Dieu que nous avons reçu, lui, il est éternel. Milele napita bitu byote frère. L'éternité surpasse toutes choses. Kuishi milele napita kuya na nyumba. Vivre éternellement de pas avoir une maison. Kuishi milele napita kuwa na batoto. Vivre éternellement de pas avoir même les enfants. Kama mtu anakuwa milele. Si la personne est devenue éternelle. Hata kama pa dunia aliteswaka. Même s'il avait beaucoup souffert sur la terre. Haina mambo. Ce n'est pas un problème. Unajua histoire ya Lazare. Vous savez bien l'histoire de Lazare. Mashiku ya Lazare pa hii dunia ikukuyaka tu ya bien. Le jour de Lazare sur cette terre n'était pas bon. Ashikukuyake mtu mwenye kuya na valeur mu bantu. C'était pas un homme très remarquable, valeureux. Jumu mashiku ya Lazare. Dans sa vie, il n'avait même pas payé de véhicule. Même pas la moto. Peut-être ata chakulele Lazare alikuwa nakuriaka. Sa zingine, même la nourriture qu'il mangeait n'était pas comme ce que vous mangez. Mais la Bible dit, kisha ye kutoka pa dunia, après avoir quitté ce monde, de l'autre côté, il était consolé à Ifaijiwa. Mungu apate kumbariki. Que le Seigneur bénisse. Dans ce monde, vous pouvez souffrir. Mais souffre avec Dieu. C'est ce qui est nécessaire. Il peut se faire que dans ce monde, tu ne peux même pas payer le pain de 100 dollars. Il peut se faire dans ce monde, vous ne pouvez même pas construire la maison. Mais Dieu t'avait donné la chose la plus précieuse, c'est sa parole. Si vous recevez la parole de Dieu, vous croyez dans la parole de Dieu, vous devenez éternel. Et lorsque tu vas quitter ce monde, Dieu va te consoler. Parce que Dieu, c'est un consolateur. La souffrance terrestre. Même si quelqu'un bâtissait une maison, c'est toujours la souffrance. Même si vous payez le véhicule, c'est toujours la souffrance. À tout moment, il doit changer de l'huile. Il doit payer du carburant. Il doit changer les pneus. Tout ça, c'est toujours la souffrance. Mais ce qui est nécessaire, c'est seulement la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Prenons notre culture habituelle qu'on avait commencé depuis le mardi. Ni Genèse chapitre 18. Mwanzo 18. Tukona beba verset 13 à 14. Isaïe 13, 14. L'Éternel dit à Abraham. Waminele akamwambia Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant? Juanini Sarah anacheka mkusema. Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et Sarah aura un fils. 15. Sarah mentit en disant, Sarah Kalanda, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais Dieu dit, au contraire, tu as ri. Mungu akasema kwa kinyume ulicheka. Niko naomba. Je vais prier. Tuko na kupikia aksante mufalme na Mungu akumbingu. Nous te disons merci, roi et Dieu du ciel. Accente Dieu a kuitikia ishiku ya leo ipate kuyako. Merci d'avoir accepté que de nous donner la journée d'aujourd'hui. À tout moment, nous voyons des jours pareils. Nous découvrons que c'est la grâce que nous avons reçue de ta part. Ce n'est pas pour rien que tu nous donnes les souffles de vie. Ce n'est pas pour rien que tu prolonges à ton jour. Il y a toujours le pourquoi. Et si accepte que nous puissions nous réunir Kuingambo, c'est seulement dans cette cité, dans ce pays, il y a des gens qui n'ont pas l'occasion de se réunir. Il y a des autres qui sont en train de fuir la guerre. Il y a des autres qui n'ont pas de bon endroit. Si nous nous réunissons comme ça, nous disons simplement merci. Nous t'invitons que tu puisses descendre. C'est un mot qui peut nous aider. Si toi Dieu tu parles, nos âmes seront sauvées. Si toi tu parles, les gens se préparent. Alors parle encore une fois. Guéris les malades et réponds à nos problèmes cachés. Début jusqu'à la fin, sois pour la gloire de ton Saint nom. Dans le nom de Jésus Christ, te prions ainsi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons encore à parler aujourd'hui. C'est depuis le mardi qu'on était en train de parler sur ces Ishina. Y a-t-il rien qui soit trop difficile pour le Seigneur? Nous parlons ces paroles que Dieu a prononcées. Sur base ya attitude ya Sarah. Yulu ya kutenda kwa Sarah. Njo kule Mungu alisemea hii masauti wakati yuko nafanya promesse kwa Ibrahimu. C'est lorsque Dieu a prononcé ces paroles lorsqu'il faisait la promesse à Abraham. Na ilikuwa ni mpassage wakati eko naenda juu ya destruction ya Sodoma na Gomora. Et c'était un passage quand il partait pour détruire Sodome et Gomorrah. Na Jésus-Christ wakati alikuwa pa dunia. Yesu Kristo quand il était sur la terre. Alianza kutupeler na kutuambia. Il nous rappelait en nous disant. Pata vile bilikuwa mwakati ya Sodoma na Gomora. De la même façon que c'était du temps de Sodome. Njo vile bitakuwa mwakati ya kurudia kwa mwana wa mtu. Ça sera pareillement au retour du fils de l'homme. Donc, il est comportement ilikuwa na Sarah. L'attitude qu'avait Sarah. Vis-à-vis à ma promesse ya Mungu mwile wakati. Mbele de la promesse de Dieu. Jésus-Christ a risema. Jésus a dit. Njo paka vile bitakuya ka mwakati ya kurudia kwa mwana wa mtu. Ça sera pareillement au retour. Na mwakati tuko naishi mimi na mweye. Et au temps où nous vivons moi et tuko vous. Tuko karibu sana na kurudia kwa mwana wa mtu. Nous sommes trop près du retour du Seigneur. Est-ce que tuko pamoja? Sommes-nous ensemble? C'est pourquoi nous avons pris ce sujet. Si nous parlons sur Sarah, parce que wakati Elohim alienda kutembea kwa Ibrahim, lorsque Elohim est allé visiter Ibrahim, nous avons découvert qu'il y avait deux personnes. Ibrahim, il y avait Abraham, lui qui avait ses attitudes qui étaient contraires à Sarah. Que Dieu bénisse. Maintenant, Sarah, il y a quoi dans le Sarah avait un mauvais comportement. Dieu a redouté mukile Mungu arisema. Parce qu'elle avait douté en ce que Dieu avait dit. Kisha Sarah kudouté mukile Mungu arisema. Et après avoir Sarah kushaki en ce que Dieu a dit. Ashikuanze tena kushituka Mungu. Et ça l'avait poussé à ne pas faire na cas de Dieu. Ya juma turisema. Et au milieu de la semaine. Il le comportement Sarah riafishaka kuma promesse ya wamilele. L'attitude que Sarah Mungu alipashaka kumua Sarah sur place. Dieu devait tuer Sarah par parler. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Parce qu'il tenait la kitu munam na mubai. Parce qu'il avait, il avait mal agi. Na muwakati tuko naishi. Et quand nous vivons. Ça vient ni wakati ya kufuanana na ile wakati ya Ibrahimu. Comme le temps est semblable avec le temps d'Abraham. Dieu nous a tufanishi na chez promesse mon Jean. Dieu nous a fait aussi la promesse dans Jean. Mina enda, il a dit je suis parti. Na mitarudia. Et je reviendrai. C'est que là où il frère aujourd'hui Adaïvit tunakusanika, même lorsque nous sommes réunis, kuko paka kategori mbili ya bantu, il y a toujours des catégories de gens paka vile bale baritendaka mwile wakati, qui agit conformément à ceux qui ont agi de l'autre fois. Kuko bale leo beko na jitayarisha, il y a ceux qui sont en train de se préparer par rapport ya kurudia kwa Yesu Kristo, patana avec le retour na beko na jitayarisha na maro yabo yote. Et ils sont en train de se préparer de tout leur cœur. Mais kuko bengine banduku na patana bengine, mais il y a d'autres frères aussi. Il est membre Ibaone. Ces problèmes-là ne les concernent pas. Ça ne les tourmente même c'est pas. C'est pourquoi tout le monde est ici. Nous avons pris cette chose. Pour que chaque frère, chaque soeur, sache qui se tient où, conformément au retour du Seigneur. Est-ce que pas moi? Sommes-nous ensemble? Celui qui a fait la promesse, c'est Dieu. Et lui ne ment jamais. Ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel, certainement ça doit arriver conformément. Est-ce que tu peux pas moi? On est ensemble. C'est Dieu qui ne ment jamais. Parce que au moment où le temps où nous vivons, lorsque Frère Branham explique le comportement de Sarah, comme Sarah a dit Shakia à la promesse, il le mouvoit Sarah, sa fille Sarah, et il commença à se comporter comme les restes du monde. Alors que tout enfant de Dieu et de la promesse, sa vie a toujours été différente à tout moment. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Moutoule barilaka. Parce que la personne qui a reçu la promesse, et c'est lui qui n'a pas reçu la promesse, c'est des choses différentes. Mais il est comportement, il est. Maintenant, ce comportement-là, Biblia konasema, même les dit, ita onekana tena mui wakati. Ça va se manifester encore wakati dans notre temps, le temps où nous vivons, moi et vous. C'est la vérité. C'est nous quelli. Tout ça en belle angico. Lisons l'écriture. 2 Pierre chapitre 3. P3 Pierre sur Atatu. Biblia inasema hivi. Labda di. Okay. Niko nanzia mu verset yake. Nanzia paka mu verset premier. Je vais commencer par le verset. Mais niko na besoin na verset 3. Mais na lazima sana msari ya 3. Mimi nashuka directement au verset 3. Je descends au verset 3. Sachant avant tout que benye kujua mbele ayote. Dans les derniers jours. Moi, mashiko ya mwisho. Est-ce que mon ami nous sommes mashiko ya mwisho? Croyez que nous sommes dans les derniers jours. Ok. Dans les derniers jours. Mashiko ya mwisho. Il viendra des moqueurs. Kutakuya ba kuchekelea. Avec leur raillerie. Na mancheko yabo. Marchant selon leur propre convoitise. Beko na tembea kufuatana matamaa yabo. En disant. Mukusema. Où est la promesse de son avènement? Malako ya kuya kwa ki kwapi? Car kwani? Depuis que les pères sont morts, tangia baba yetu bari kufu, tout demeure dès le commencement de la création. Bintu bikupaka vile sa vile bari mbaka kumwanzo. Mungu apate kumbariki. Que Seigneur bénisse. Mungu ndio anasema. C'est Dieu qui a fait la promesse. Mupate kujua kusema. Sachez que kumashiku ya kumwisho. Dans les derniers temps. Kutakuya bantu bakuchekelea malako ya wamilele. Il y aura des moqueurs. Kutakuya bantu bakuchekelea kurudia kwa Yesu Kristo. Il y aura ceux qui vont se moquer du retour du Seigneur. Asema atangia walianza kusema. Ah, depuis qu'ils étaient en train de dire. Atone kintu. Nous ne voyons rien. Nduku yangu na dada yangu. Mon frère, ma soeur. Ba Christu ba bia kweri. Les chrétiens véritables. Bobe konaona. Et ils voient quelque chose. Mungu apate kumbariki. Que Dieu bénisse. Donc il est mambo ko nalomba Mungu akusaidie. Ces choses-là, ça demande que Dieu puisse t'aider. Parce que tunaweza kukusanyika hivi tunakusanyika. Quand nous sommes réunis. Mais bitu aubio aone kitu kya kabaini. Tu ne peux rien voir. Mais mutoto wa Mungu a bia kweri. Un enfant de Dieu. Mutu yote le barilaka kusema Yesu ko narudia. Qui a reçu la promesse. Ndani ya roho yake munapasha kuya empressement. Dans son cœur, on apache quoi haraka. Kila siku ya maisha yake. Chaque jour de sa vie. Eko naona sa kunyakuliwa kutafanyika leo. Oui, il pense que l'enlèvement peut se faire aujourd'hui. Sa kunyakuliwa kutafanika leo. Si la kila siku wakati bunakatika. Chaque jour quand roho yake kunajitayarisha tu juu ya enlèvement. Se prépare juste pour l'enlèvement. Mais la Bible dit dans les derniers temps, la plupart des gens ils seront de mon cœur envers la promesse de Dieu. Tu sais que la Bible dit et il n'y a que Dieu qui ne fait jamais. Mais dans cette église ce matin, il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui ont cette attitude et ils se moquent de la promesse de Dieu. C'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Les gens ils sont en train de se moquer comment? Frère. C'est comme ça qu'on a toujours dit. C'est ça la première fois. La deuxième fois. Si la personne ne se prépare pas, là il se moque de la présence, de la promesse de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si la personne chaque frère, chaque soeur devrait se préparer. Il n'y a rien d'important. L'église, c'est notre église, nous pouvons y aller comme d'habitude. Non, mon frère, non, ma soeur. Le temps est avancé. Si vous regardez Ali, vous verrez que toute chose est arrivée à la fin. Ce monde est presque. Si nous vivons aujourd'hui, c'est matin. Aujourd'hui, nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. Regardez ma soeur. Dans ce monde où nous vivons aujourd'hui, ma puissance, mon ils ont des histoires pour détruire le monde, même maintenant. Est-ce que tu comprends? Mais ceux qui sont en train de garder ces choses, ce ne sont pas des pasteurs. Ce sont des fils et des caïens. Des méchants. Ils peuvent détruire l'Idunia. Ils peuvent détruire ce monde. Si nous nous vivons aujourd'hui, nous vivons par la grâce de Dieu. Un chrétien véritable n'a pas choué l'éwa. Et regardez qu'est-ce que Dieu nous a promis en notre temps. Jésus-Christ nous a celui qui est prédestiné pour aller dans la vie, il n'est pas distrait. Est-ce que tu comprends moi? Nous sommes ensemble. Tel que vous mangez les foufous, vous faites les champs. Vous travaillez chez les Chinois. Vous faites des projets. Ce n'est pas un problème, mais n'oubliez pas que. N'oubliez jamais. On vous fiancez, ayez ces pensées dans votre cœur. Faites le projet de vos chambres. Ayez la pensée dans votre cœur. Ce monde est en danger. Et ce qui possède ces histoires, n'est pas tout babaya. Ce sont des méchants. Ce sont les fils de Caïn. Ce sont eux qui possèdent encore ces histoires. Dans de telles circonstances, de tels problèmes, il y a quelque chose qui ne va pas. À qui tu es un élu, toi? Réellement, tu es un élu. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez comment le monde est aujourd'hui. Chaque frère, chaque soeur devrait donner sa vie dans l'entièreté à Dieu sans laisser rien à côté. Parce que le temps est avancé. C'est la vérité. Comme on a remarqué dans la vie, frère. Si vous regardez dans votre vie, tu ne fais pas cas de temps que nous vivons. Tu n'es pas un élu. Il n'y a pas d'autre façon de te dire ou la magie, non. C'est une chose qui s'est fait quoi gafla chez les élus. Que Dieu bénisse. Dieu avait prédestiné, il vous a choisi. En lui, il y a quelque chose qui a coulé la moucha. Il n'est pas comme le reste. Ouais, on vous dit que le monde est en danger. Mais toi, tu vis encore dans le paganisme. Tu as un esprit animal. C'est la vérité. Nous quoi? Comment expliquer mon tonnerre à Kouichi? C'est facile à dire un homme qui vit. Bon, si pas Kouichi, tout comme être danger qu'on a couille. Sans faire cas pendant que le danger arrive. Moto normal, frère. Un homme, Wakiro, t'es fâchement. En écala, canabo, canabouchi, ma boîte. Il a peur de sa vie. C'est la vérité. Nukweli. On signale qu'il y a un danger qui arrive. Mais à Ushituke, où est-ce que tu es à l'aise? Tu es à l'aise à Ushituke. Où qu'on a tchèque, on a tchèque. Et tu ris même. Pas non qu'on a esprit à Bunyama. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu es un esprit animal. Bah, t'es où les frères ni Bantu? Les élus, ce sont des hommes. Bah, n'est-ce pas que Ushituke? Ils sont en train de se réveiller quand Dieu les a avertis. Et ils se préparent en conséquence. Parce que le temps est avancé. Que Dieu bénisse. Frère Franck, on a fait ça. Franck, il dit ceci. Il y a une réunion mensuelle. Mouksaniko, il y a moins. On a fait une réunion mensuelle à samedi 31 août 2019. Mouksaniko, il y a moins à samedi 30 août 2019. Il dit ceci. Ok. Anasema. Nous pouvons nous abandonner entièrement à Dieu. À la parole de Dieu. Et aux promesses de Dieu. De tout notre cœur, sachant que ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Et tous ceux qui reçoivent les promesses de Dieu, tel qu'Abraham a reçu, pour lui les promesses de Dieu, sans regarder aux circonstances, mais regardant seulement au Seigneur qui a fait la promesse. Et tous les vrais croyants, dans tous les peuples, les langues et les nations, doivent faire les mêmes choses. Que Dieu bénisse. C'est que mon Christ a bien quoi, un chrétien. Si il est vraiment un élu. Ana distrait. Ana mon yukulengama, il n'est pas distrait. Mungo pote mbariki. Que Dieu bénisse. Donc roya ke yote. Tout son cœur. Paka ma atitidi moya mweri kwa na Ibrahimu. Ma ali makutenda kave Ibrahimu. Kama Mungu ndio alikuita. Si c'est Dieu qui t'a appelé. Na Mungu ndio alikuteula. Et c'est Dieu qui t'a élu. Ole Mungu alikuitaka wewe. Dieu qui t'avait appelé toi. Na Mungu chakula mwili generation. Il t'avait élu dans cette génération. Ana pacha tena kuya kukufunulia. Il doit venir te révéler encore. Si c'est Dieu qui t'a appelé nous, si c'est Dieu qui vous a appelé ma soeur, dans des moments pareils, tu ne peux jamais te laisser comme le reste du monde. Non, Dieu ne peut jamais faire ce genre d'erreur. Dieu doit te révéler et dans ton cœur, après avoir reçu la révélation, il doit t'y avoir ou araka. Il n'a pas de goulamouk. Waraka. C'est des frères frangés qu'on essaie. Le frère frangé. Ma titite, moi, il y a quoi dans Ibrahim? Même cette titite qu'avait Abraham. Joël n'a pas de quoi dans mon Christ. Ça doit, c'est ce qu'il doit avoir un chrétien. Que Dieu bénisse. Au cours de la semaine, nous avons dit comment est-ce qu'Abraham est arrivé au point de dire celui-ci c'est Elohim qui est venu me visiter. Que Dieu bénisse. Il était dans quel attitude? Nous avons dit au cours de la semaine que Ibrahim arrivé dans l'atmosphère spirituelle. Abraham arrivé dans l'ali ya kimungu. Il y a des choses qui amènent l'attitude. Nous avons énuméré tout le monde. Et chaque élu, Dieu avait prédestiné dans cette Ibrahim. La même attitude qu'avait Abraham. C'est ce que le frère Franck nous dit. Que Dieu bénisse. Regardez-nous. Dieu en amzalim. Si quelqu'un a dit, il a cru. Et il kando yake ali ya kiro. Tout autour de lui, il y a ce monde qui Ibrahim. Le Dieu qui s'est révélé à Abraham. C'est si tu funue si il ne se révèle pas à toi. Là, en a quoi mzalimu. Parce que pas moi. Nous sommes ensemble. Si tu es tel que tu es là aujourd'hui, ni kusema, tu n'as pas suivi les ordonnances. hakufuata frère. Tu n'as pas suivi. Kuko ali frère. Il y a les attitudes. Ile ba Christ wanekalaka nayo. Ka les chrétiens. Na kama réellement uko Eli. Et si akika kumpenda. Roho yako yote leo. Tout ton cœur aujourd'hui. Parce que nous sommes moi frère. Sommes-nous ensemble. Akuna magie, akuna mathématique. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de mathématiques. Chaque frère, chaque sœur. Eko amezir ya kuyua leo. Et comme de savoir aujourd'hui. Kama eko Eli. Si il est un élu. Eko simple membre de Kambov Tabernacle. Eko même batou de Kambov Tabernacle. Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. Parce que Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ. Arianda kuturudisha mu ma époque. Il est temps de nous faire retourner dans des époques. Est-ce que tu comprends moi? Sommes-nous ensemble? Un élu. Muteoule. Et qu'on a le comportement il est quoi en Daniel Ibrahim? Il a le comportement qu'avait Abraham. Dans le temps où nous vivons, pour chaque frère et chaque sœur, Mbele à parole de Dieu, avec la promesse de notre temps, il est comme Kimo de vous dire si tu vas aller ou pas. On est ensemble. Parce que là, je tourne à la bamingi mukanisa. Aujourd'hui, nous sommes vraiment nombreux dans l'église. Comment on dit ça, Baba, tu bois tes coutumes avec lui, wapi? Vous demandez à tous ces gens ici au cours de la semaine. Ils étaient où? Et aussi, ce sont des élus. Kanisa ya ben élu ya kuyala kapaka dimanche. L'église des élus qui s'est remplie toujours le dimanche. Et vous tous, moi, c'est l'église des élus. Arrêtez les jeux dans les choses de Dieu. Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. Arrêtez ces jeux dans les choses de Dieu. Il a un comportement différent des autres. Tous ces gens que vous voyez fouiller dans l'église de dimanche, ce ne sont pas des élus. Ce n'est pas des élus. Que Dieu ce sont des religieux. Ni batu bakidini. Ils ont l'esprit de Caïn. Parce que Bible dit. Caïn a été très religieux. Caïn a quoi qui dit ni sana. Et il vient seulement. On ne met pas à côté à être membre. Que je puisse apparaître mais dans son cœur il n'y a rien qui s'opère. Un chrétien véritable n'est pas comme ça. Un chrétien véritable en lui Dieu a toujours mis une cloche à l'intérieur. Et quand il marche, même s'il n'a pas la montre, si l'heure est là, la cloche doit sonner à l'intérieur. C'est comme ça un chrétien agit. C'est la vérité. C'est un chrétien véritable. Si le temps du culte arrive, frère, Nuku, même si tu es à côté de lui, vous allez découvrir. Tu vas dire son cœur devient agité. Il devient agité parce que dans son cœur il y a une clochette qui sonne. Mais toi tu t'absentes le mardi, mercredi, le mercredi, jeudi, vendredi, tu pars vendredi et les dimanches tu viens et toi tu t'es dit j'attends l'enlèvement, honte à toi. L'enlèvement de ton grand-père ou de votre famille. Oh, j'irai dans l'enlèvement. L'enlèvement de ton oncle paternel. Frère. Oh nos frères, je vais aller dans l'enlèvement. Nous sommes des tabernacles. Nous avons reçu le message du temps de la fin. Le message de ton grand-père. L'enlèvement. Si tu devais être tu devais. C'est la vérité. Nous chrétien frère, Christ Nduku, un élu, Muteule, et comme préparation, et comme matériau, il est dans la préparation. Que Dieu bénisse. Élu a bien quoi, il est comme préparation. Élu véritable, et qu'on est dit à Richa. Et qu'on est dit à Richa. Et quand il se prépare, toi où est-ce que tu te prépares? Qu'on est dit à Richa. Là où toi tu te prépares, c'est où? C'est grave. Ni Atari. Que Dieu bénisse. C'est grave. Ni Atari. Frère. Regardez nous. Comportement bantou mais qu'on est affiché. L'attitude que les gens affichent. Allégrare à ma promesse ya Mungu. Wangaria la promesse de Dieu. Ikon a prouvé waji waji. Ça prouve clairement qu'on en est que les gens n'aiment pas Dieu. Que Dieu bénisse. Bantou m'appende Mungu. Les gens n'aiment plus Dieu. On en a m'appendo. Voyez l'amour. Attends tu m'appendo tu ya mudunia ya l'amour entre nous frères. Si tu as un ami que tu aimes, que tu aimes beaucoup, tu ne peux pas aimer que vous puissiez vous séparer. Si vous, amen, vous, frère. Vous séparer, si vous acceptez, si tu aimes une personne, absence yake, à son absence, ça te fera même malade. Ça a toujours été comme ça quand on aime. Chaque frère, chaque soeur, il a déjà expérimenté même l'amour terrestre. Il peut dire même amen. C'est la vérité. Mais le comportement que les gens affichent aujourd'hui, c'est signe pour moi que dans le cœur de frères et sœurs, il n'y a pas d'amour. Frère Branham, Branham dit ceci. Mon message. Dans ce message, Mjumbe poussé à bout. Mwenye kusukumwa kumuisho. Anasema mu paragraphe yake. Il dit mu note yake. Page 16. Katasia. Hakuna ma paragraphe. Il y a pas de paragraphe. Anasema hivi. Il dit ceci. Je crois que la raison pour laquelle mina justio na mina kusema sababu nous n'avons pas ce sentiment d'urgence atuna na ile mania waraka, c'est parce que nous manquons d'amour ninju atuna na mapendo, nous manquons d'amour pour Dieu atuna na mapendo juu ya Mungu. Je crois que l'amour mina pour Dieu kusema, mapendo juu ya Mungu crée cette urgence en nous, inaumbaka waraka ndani yetu. Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. C'est la vérité. Nous quelli. Donc comment mutu muro yake? Si quelqu'un dans son cœur, ana mupenda Mungu sana. Il aime Dieu beaucoup. Ana penda sana Yesu arudie. Il aime vraiment que Jésus-Christ puisse revenir. Mapendo ya muno. L'amour. Mapendo ya kupita. L'amour annexé. Yule ya Yesu Kristo. Sur Jésus-Christ. Itafanya muro yako. Va faire que dans ton cœur, il y ait urgence. On est ensemble. Waraka ya nini? L'urgence sur quoi? Waraka ya kujitayarisha kila wakati. De te préparer à tout moment. Donc, muro yako weye. Dans ton cœur, toi. Akuna ma seconde. Il n'y a pas de seconde. Akuna ma minute. Il n'y a pas de minute. Il est au tatia occasion quoi chétan. Que tu peux laisser l'occasion au diable. Apan. Non. Parce qu'on a dû accuser. Parce que tu sais que. Kitu kibaki kikuingia. Si la mauvaise chose. Yesu anaweza pia kisha pale unakuta enlèvement. Après la minute, Jésus-Christ peut revenir et rater l'enlèvement. On est ensemble. Un chrétien, frère ou soeur, qui aime le retour du Seigneur, il a cette attitude. Maintenant, l'attitude là n'est plus dans l'église. Que Dieu bénisse. L'attitude là, l'urgence n'est pas là. Si cette attitude était dans les gens, il n'y a personne, il n'y a aucun frère qui pouvait s'absenter dans l'église. Il n'y a personne. Est-ce que tu comprends? On est ensemble. Quelqu'un qui s'absente à l'église est en l'air au champ. Et l'église sait que moi je suis au champ. Étant à l'aise au champ. Mais néanmoins il s'absente à l'église. Il se justifie de lui-même. Pensant que comme lui s'est justifié, Dieu aussi va justifier. C'est faux. L'amour. C'est ce que nous n'avons pas envers Dieu. Oui, frère. Si on aimait le retour du Seigneur, notre cœur devait être agité à tout moment, nuit comme jour. On ne devait pas garder dans notre cœur de rancune avec les gens. Mamambo. Non. Ma conflit la bande. Des conflits avec les gens, non. Manzambi a jibo kutengeneza. Non confessé, non. Bile bitu byote biko juu ya nini? Ces choses-là existent encore pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'amour envers Dieu. Est-ce que tu es tayari? On est en prière. Que Dieu bénisse. Est-ce que tu es pamoja? On est ensemble. Njoo ni kukosoga mapendo. C'est par moi. Kila ndugu na kila dada. Chaque frère, chaque sœur. Ayoué waji waji. Sache clairement. Il est aria kekonayo. Et l'attitude qu'il a, il n'aime pas Dieu. C'est la vérité. Nukweli. Oui, frère. Bando ba pende Mungu. Les gens n'aiment pas Dieu. Parce que Mungu est très clair. Dieu est quasi. Pourquoi les gens n'aiment pas Dieu? Et aussi ils écoutent, ils entendent que Dieu Jésus-Christ revient. Ndoku, il y a quelque chose qui ne marche Frère, pas. Ndoku Branham dit, j'aimerais vous les lire. Il dit ceci. L'église s'en ira-t-elle dans l'enlèvement avant la tribulation? Maubiri eti kanisa itenda mkunyanyulia mbele ya mateso mkubwa. Anasema hivi mu paragrafu yake 22. Il dit ceci mu nota yake ya 22. Frère Branham anasema hivi. Dubanami dit ceci. Anasema hivi. Oh c'est beau. Oh ni mzuri. Car le Seigneur Jésus vient bientôt pour son église. Kwani Bwana Yesu kuna kuja hapa sasa juu ya kanisa yake. Anasema. Il dit, c'est la plus belle pensée que toute créature de Dieu puisse avoir à l'esprit. Jo wazo mzuri ile kiumbile kyote kya Mungu na pasiko nayo muro ya abo mzamiri. On est ensemble. Anasema njo wazo mzuri. C'est la plus belle pensée. Ile kiumbile kyote pa dunia. Chaque créature sur cette terre. Anapasha kuya nayo kuro. Doit avoir dans son esprit. Mais kuro yako wewe kuko kuko wazo kani frère. Dans ton esprit il y a quelle pensée? Hein? Ibu subuhi ya leo. Ce matin. Quand tu es venu dans cette église, il y a quelle pensée dans votre esprit? Dubranam dit, la plus belle pensée qu'un homme peut avoir, c'est le retour du Seigneur. Pourquoi c'est la plus belle pensée? Dubranam continue. Sortir de ce chaos pour entrer dans la gloire bénie. Kutoka mui kuanguka kwenda mutukufu yenye kubarikiwa. Là où les vieilles personnes rajeuniront. Moule basé batarudia babiana. Où les malades. Moule bagonjo. Seront jamais en bonne santé. Abata kuyaka na malari batakopa mwafia njema. Il n'y aura plus de tristesse. Akuta kuyaka uzuni. Ni de chagrin. Wala ma wakurugua. Cela il est n'est pas la chose la plus belle à laquelle puisse penser. Et aina kintu kizuri ke tunaweza kwanza kuwaza. Combien heureux sont ceux qui entendent ces temps de rassemblement? Ni bangapi beko baeri wakati banashikia imambo ya kusanyika. Mungu apote kubariki. Que le Seigneur bénisse. Ni bangapi benekuwa bantu baeri. Sont heureux. Bale beko na waza tu kumbia kwa. Ils sont en train de penser au retour du Seigneur. Kama Yesu anakuya frère. Si Jésus revient. Kule ngambo fini ya magonjwa. De l'autre côté kunesha magonjwa itakuyaka. Mungu apote kubariki. Que Dieu bénisse. Fini kuzeka. Kunesha la vieillesse. Fini lufu. Fini kunesha la mort. Ni wazo mzuri kwa kila mkristo. C'est la plus belle pensée pour chaque mais ça, les bandes ont peine de Mungu. Les gens n'aiment pas Dieu. Les gens sont m'en fous. Les gens ils se contentent d'être membres tout de l'église. Oh frère. Oh Ndoku. Oh dada yangu. Oh ma soeur. Nikitu kibaya sana. C'est la plus mauvaise chose. Na kila dada. Que chaque frère. Il est membre et pas à vous réveiller. Le problème là devait réveiller. Oui frère. C'est notre conscience. C'est la vérité. Nous quoi parce que frère Frank, Frank il est allé plus loin. Anasema il dit. Tout ça, mes messages. Lisons ces messages. Mouni Erasi, hein? Vous allez m'excuser. Ni mou Dieu se souvient de son alliance. Maubiri Mungu anakumbuka agano lake. Page 12. Page 12. Paru Frère Frank anasema hivi. Vraiment anasema. Anasema hivi. Il dit ceci. Il n'a pas encore paragraphe 4. Nazania sura ke ya ine. C'est lui qui nie le retour corporellement de Jésus-Christ. Ule kona bisha kurudia kwa mumwili kwa Christ kwa Kristo. Ou qui ne se prépare pas en conséquence. Na wala ashitayarishe juu ya ile. Est possédé par un esprit d'antéchrist. Eko mwenye kushikwa na roho ya mpinga Kristo. Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. Mungu apote kumbariki. Que Dieu bénisse. C'est que il est vieux qu'on a mené leo. La vie que tu mènes aujourd'hui. Comme aina par rapport au retour à Jésus-Christ. Si ce n'est pas conforme au retour du Seigneur Jésus-Christ. Ou antichrist. Ou comme pinga Christ, tu es un antichrist. Ni bien nguvu mais c'est la vérité. C'est dire mais nous kweli. Mungu apote kumbariki. Que Dieu bénisse. C'est que Jésus-Christ est qu'on a kuia huko. Jésus-Christ est en train de venir. On a kuia njia ya likasi. Côté de la route de likasi. Mais wewe uko naendea njia kafundwa. Tu te diriges vers kafundwa au l'opposé. Est-ce que tu comprends moi? Que Dieu sommes-nous ensemble. Tu es un méchant. Tu es vraiment méchant. Ba Christ, ba bien kweli. Les chrétiens véritables. Ceux qui aiment que Jésus-Christ soit le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est le sujet de leur vie. Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. Kurudia kwa Yesu le retour Christo. De notre Seigneur Jésus Christ. Parce que banque qu'on a agi. Que les gens pensent que. Renier Christ, c'est abandonner l'église, quitter dans l'église. Apana. Non. Angaria frère. Regardez-nous. Nous vivons dans l'âge où le diable travaille avec sa force. Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. Nous vivons à l'âge où la séduction d'aujourd'hui n'a jamais été auparavant. Le diable qu'on était à riche conscience à la conscience des gens dans les péchés étant toujours dans l'église. Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. Regardez Kukosa Kushituka qui est dans le cœur des gens. Kukosa Kushituka dans le cœur des sœurs. Conformément au retour du Seigneur Jésus Christ. Vous allez vous dire que c'est quoi? C'est la séduction diabolique. C'est la séduction diabolique. Parce que frère Frank en a que le frère Frank dit clairement. Tout celui qui refuse, qui réunit. Le retour du Seigneur. Ce n'est pas pour dire que tu vas quitter là-dehors. Et tu écoutes quelqu'un. J'ai refusé le retour du Seigneur. J'ai refusé le retour du Seigneur. Qui a déjà entendu? Jamais. Mais il est vivant mais qu'on a mené. La vie que les gens sont en train de mener. Et qu'on a prouvé wazi wazi. Et qu'on en est clairement. Que les gens ont déjà refusé le retour du Seigneur. Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. Mais il est vivant mais qu'on a ici. La vie que les gens mènent. Il est bandou qu'on a badade. Que le frère et le sœur qui s'appelle étant croyant message, la vie qui est c'est la vie qui crie haut que Jésus-Christ ne revient pas. Jésus-Christ ne revient pas. Jésus-Christ ne revient pas. Et la Bible dit en Corinthiens chapitre 16 verset 26, je ne me trompe pas, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur qu'il soit anathème à la niwe. Est-ce que tu comprends moi? Et tu comprends pas moi? C'est la Bible. Ensemble les Bibliens. Que le Seigneur bénisse. Où les yoyote? Tout c'est lui. A s'y arranger vie à s'tengeneze sa vie. Par rapport au retour du Seigneur. Conformément au retour du Yabouane. À la niwe. Qu'il soit maudit. À la niwe. Qu'il soit anathème. Yesu eko na kuya. Jésus-Christ revient. Même si toi tu ne te prépares pas, sois maudit. Mais Jésus-Christ, lui, certainement, il reviendra. C'est la vérité. Que Dieu bénisse. Oui, frère. Dieu. Retour à Jésus-Christ. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il passe à frère. De vrai nduku. Kuweka kila nduku na kila dada. Mettre chaque frère, chaque sœur dans la vie de la sanctification. On est ensemble. La vie de la sanctification. Parce que Jésus-Christ, il vient prendre l'église sans tâche, ni ride. C'est ce que la Bible dit. L'église qui s'est déjà éloignée avec toutes sortes de souillures mondaines. C'est l'église que Jésus-Christ vient d'apprendre. Maintenant, un véritable chrétien. Ça, mon Christ avait quoi. Après avoir écouté que Jésus-Christ revient, il doit se sanctifier. Il doit se sanctifier. Aller loin avec la souillure. Oui, frère. Dieu c'est la vérité. Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. Que Dieu bénisse. C'est comme ouais, on a katala Yesu arudi. Si toi tu refuses le retour du Seigneur, kupitia maisha yako, à travers ta vie, uko mupinga Christo. Tu es un antichrist. C'est la vérité. Quel? Mais Yesu est toi qui parles à ta couille. Mais notre Jésus, lui vient. Biblia qu'on a sema. La Bible dit. Au temps fixé. Moi katia kufa. Il reviendra. À ta rudia. Mungu bote mbariki. Que Dieu bénisse. Wakati kani? À quel moment moi je ne sais pas. Mais il arrive à vous fixer. Mais au temps fixé par lui-même, si ça arrive, Jésus-Christ va venir. atakuya. Il va venir. Na atakuya kubeba bale bote bale kuya tayari. Il prendra uniquement ceux qui sont prêts. Il ne viendra jamais prendre les membres de l'église Kambof Tabernacle. Non. Lui, il viendra prendre ceux qui sont prêts, ceux qui ont consacré leur vie en attendant l'événement. C'est ce qui viendra prendre. Ce n'est pas tout le monde. Que Dieu bénisse. Jean chapitre 14. Johan Kuminaine. Bible dit ceci. Jean chapitre 14. Johan Kuminaine. Verset 15. Mustarake Yakuminatano. Ok. Bible la semaine. Bible dit. Si vous m'aimez. Kama munanipenda. Gardez mes commandements. Muchunge mambri yangu. Mungu apate kumbariki. Que Dieu bénisse. Kama munanipenda. Si vous m'aimez. Muchunge maamri yangu. Gardez mes commandements. Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. Mapendo ya Mungu. L'amour de Dieu. Iko naonekana mukuishi neno ya Mungu. Se manifeste lorsque nous vivons la parole de Dieu. Kama mutu anaishi. Si la personne vit. En opposition de la parole de Dieu. Pinganisha sauti ya Mungu. Anamchukia Mungu. Il est Dieu. Mungu apate kumbariki. Que Dieu bénisse. Gardez mes commandements. Chungeni maamri yangu. Ma commandement kuichunga. Gardez les commandements de Dieu. Aina kuandika manote. Ce n'est pas avoir des notes écrites. Kwenda kuiweka mu masakoshi. Et aller classer ça dans vos valises. Tuko na ba frères mingi na badada mingi. Parce que nous avons beaucoup de frères. Beko na ma verset mingi sana mu makaye yabo. Il a pas somaka ta kusoma. Dans leur cahier classé et ça ne lit jamais. Il va ouvrir ba nekala donc. Les gens ont seulement le papier et les stylos pour copier les histoires qui ne peuvent même pas lire. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous demande de garder ses commandements. Les commandements de Dieu, on les garde dans le cœur. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu et vous la mettez en pratique, vous la vivez. Combien de citations que vous avez sur vos papiers, vos... Si nous pouvons poser la, nous, on peut poser la question, combien de frères ont 10 brochures seulement à la maison? Combien de sœurs ont des brochures à la maison? Combien ont lu même une seule brochure à la maison? Vous avez seulement des papiers pour écrire des versets, pour écrire des citations. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit. On est ensemble. Écrire, c'est bien. Aller lire, c'est mieux. Mais mettre en pratique, c'est plus mieux. On est ensemble. Vivre ce que tu avais écouté, c'est en tout cas mieux. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Que Dieu bénisse. Oui frère, Dieu nous, c'est la vérité. Nous quelli. Parce que moi quand tu connais ici frère. Le moment où nous vivons. Moi quand tu connais ici là. Le temps dans lequel nous vivons ma sœur. Mon wari la kaka. Dieu avait fait la promesse. Vous savez moi le wakati. Disant en ces temps-là. Hakuna ulata fundishaka banduku yake. Personne ne peut enseigner son frère. Wote batafundishiwaka na mimi. Tous seront enseignés par moi. Mama amri yangu. Et mes commandements. Tayanjika mu maro yangu. Je veux le mettre par écrit dans leur cœur. Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. Mon Christ atana la brochure. Un chrétien même s'il n'a pas de brochure, même s'il n'a pas la Bible. Mais lorsqu'il a mbele ya zambi. Devant le péché. Dans mon cœur, il y a hambre, moi, Ivy. Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. C'est la vérité. Nous croyons. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui, frère. Dieu. Mais bantu ba mingi. Mais beaucoup de gens. Banduku mingi. Beaucoup de frères. Na badada mingi. Et beaucoup de sœurs. Ils n'aiment pas Dieu. Nikitu kibaya. C'est une mauvaise parce chose. Malédiction, parce qu'il y a la malédiction. Il y a attaché. Il y a quoi mbatan. Avec tous ceux qui n'aiment pas les Christ. Ce n'est pas moi c'est qui la Bible qui l'a dit. C'est la Bible qui l'a dit. Chaque frère et chaque soeur. Maisha yako teste. Faut jamais faire l'erreur. De faire des... Ne pas t'occuper de la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends moi? Que Dieu bénisse. Ne faut jamais faire l'erreur. Ou beule neno ya Mungu. Et mépriser la parole de Dieu. Ni erreur munene sana. C'est l'erreur fatale. C'est la vérité. Ukweli. Ni erreur mo munene sana. C'est l'erreur fatale. Mais Shetani anakusaidia. Mais le diable vous a aidé. Ubakie tu membre mkanisa. Tu puisses rester membre dans l'église. Ah, on kusema ni malédiction. Tu vois pas que c'est la malédiction ni laana. C'est la vérité. Ukweli. Jésus-Christ. Yesu Christ. Et qu'on a tout tumia kila wakati neno yake. À tout moment il nous envoie sa parole. Ndio tu ishi. Pour que nous puissions la vivre. Kila ndugu na kila dada. Chaque frère, chaque sœur. Anapasha kuishi neno. Vivre ma pense, la parole, ya Mungu. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. C'est lui qui m'aime, Aishi ma amri yangu. Qui vit mes commandements. Mungu que Dieu bénisse. Frère. Dieu parce Dieu. Que shikia, frère. La parole que vous écoutez, Ndou. Shikia, dada. La parole que vous écoutez, ma soeur, Nimbeko. C'est une semence. Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. Nimbeko, na Biblia, c'est une semence. Même la Bible dit kila mbeku, chaque semence inapasha kuzalana, doit se reproduire selon son espèce. C'est la vérité. Nkweli. Jésus-Christ, c'est cette parole. Yesu Christ, kila ndugu na kila dada, chaque frère, chaque soeur anapasha kumanifeste via Jésus-Christ. Konekanisha maisha ya Yesu Christu. Ndani ya mawazo yake. Dans le de penser. Ndani ya maprojet yake. Dans tes projets. Ikuwe mu entourage yake. Que ça soit bali na kujumuka. Ikuwe ndani ya ndoa. Que ça soit dans le kila mariage. Kila ndugu na kila dada. Chaque frère, chaque soeur. Anapasha kumanifeste via Jésus Christ. Konekanisha maisha ya Yesu Christu. Kama unamupenda. Si tu aimes Jésus. Mungu apate kumbariki. Que Dieu bénisse. Kama leo batu beko naishi frère. Si aujourd'hui les gens vivent. En contradiction avec la parole de Dieu. Mukinyume na neno la Mungu. Ni Dieu va mupende Yesu. C'est parce qu'il n'aime pas Dieu. C'est la vérité. Ukweli. Batu beko na chunga mumaro yabo. Les gens gardent dans leur cœur. Chuk. La haine. Mumaro yabo. Dans leur cœur. Angaria frère. Regardez Ndoku. Il est chuki wewe uko nayo mu roho yako. La haine que tu as dans ton cœur. Il est toqué ni kwa Caïen. Est venu de Caïen. Mungu apate kubariki. Mais Caïen a rikufuaka. Mais Caïen est décédé. Mais masinje yake kwa kona leo. Mais machina yake les esprits sont là. C'est la vérité. Ukweli. Uko na chukia nduku yako. Tu es ton frère. Unachukia dada yako. Tu haïs seulement ta sœur. Est-ce que uko mu préparation tu weye? Réellement, tu te prépares comme Jari? Tu te prépares pour aller où? Uko membre mkanisa tu kunakuisha. Tu es tout simplement membre mais dans l'église. Kunyakuliwa utaenda. Mais à ce qui concerne l'enlèvement, tu n'iras pas. Utaenda moje. Comment est-ce que tu iras dans l'enlèvement? C'est la vérité. Nukweli. Bila bitu biote frère. Toutes ces choses là nduku. Kama mtu akingari na manifeste haine. Quelqu'un est un mkanisa. Alegari nduku au alegari ya dada. Du frère ou la sœur. Origine yake natokea kwa Kayen. Wa tokeo yake ni kwa Kaina. C'est la vérité. Ukweli. Uko na roho mbaya sa shetani. Tu es méchant. Ni joko mtoto wa shetani. C'est parce que tu es son fils. Tu comment on connaît le comportement? Pourquoi tu manifestes? Comportement ya mbaya. C'est comportement. Parce que la mbeku. Parce que chaque semence. Iko na kabila yayo. Doit se reproduire. Quelle mbeku frère? Chaque semence. Semence parole. Iko semence neno. Vie neno, de la parole de Dieu. Et la vie na maisha ya Mungu. C'est la vérité. Ukweli. Oui frère. Ndio nduku. Maisha yote ya ile namna iko mubaya. Toute vie est mauvaise. Tu iko na jibiria bantu. Parce que ça empêche les gens. Kwenda mu enlèvement. Dans l'enlèvement mkunyanyuliwa. C'est la vérité. Kweli. Parce que l'enlèvement iko karibu. Parce que l'enlèvement. Tu ripasha kuishi maisha ya utakaso. On devait avoir une vie de sanctification. Hapana maisha ya buchafu. Pas une vie sale. Hapana frère. Non mon frère. Hapana dada. Non ma sœur. Parce que mbeku tulipokea. Parce que la semence que nous avons reçue. Ni mbeku ya Yesu Kristo. C'est la semence de Jésus Christ. La Bible qu'on a sème. Et la Bible dit. Tu sais même le 1 Jean chapitre 1. Lisons dans Yohana Kwanza sura Kwanza. 1 Jean chapitre 1. Yohana Kwanza. Biblia nasema hivi. La Bible dit. 1 Jean chapitre 1. Yohana Kwanza sura Kwanza mustarama. Muniverazi. Excusez-moi. Peut-être mina kotole le numéro. Je me suis trompé du verset. Ok. Ni 1 Pierre. Ni Petro wa Kwanza. Chapitre 1. Sura Kwanza. Verset 23. Musaraki ya makumi mbili na tatu. La Bible dit, puisque vous avez été régénéré, savez les mufanyi non par une semence corruptible, apana kupitia mbeko ya kuharibika, mais pour une semence incorruptible, lakini kwa mbeko ya kuharibika, par la parole vivante, kupitia neno ya uhai, et permanente de Dieu, na ya Mungu. Mungu apate kubariki. Que Dieu bénisse. Pale yule Biblia nasema. Au la Biblia. Et purifiez vos âmes. Benye kusafisha manafsi yenu. En obéissant à la vérité. Mukuti kukweli. Pour avoir un amour fraternel sincère. Dieu a kwa na mapendo ya kinduku ya kweli. Aimez-vous ardemment les uns pour les autres de tout votre cœur. Pendane kwa nguvu yote na wenu yote. Kama mapendo yako katikati yetu. Si l'amour est parmi nous. Akuweze kuyachuki. Sipati avoir de haine. Mungu apate kumbariki. Que Dieu bénisse. Dieu a nini? Pourquoi? Parce que tu refanyiwa upya. Nous avons été rachetés avec une semence incorruptible. La parole de Dieu. Il est condamné tout wakati yote. À tout moment en permanence. Est-ce que tu peux mourir? On est ensemble. Kama Mungu anafanya mtu upya. Si que Dieu renouvelle la Mungu. La vie de la il parole. Il a kumushindikiza mpaka mwisho wa maisha yake. Commencer à lui accompagner jusqu'à la fin de jour. C'est la vérité. Le kweli. Mungu apate kumbariki. Que Dieu bénisse. Tu kila mbeku. Chaque semence. Il a pas à kuzalana kufuatana na kabila yayo. Se reproduit selon son espèce. Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. Mtu yao kumbuka tu kama ni Mkristo. Si quelqu'un est chrétien. Et qu'on a tabia ya Yesu. Il a les comportements de Jésus-Christ. Ndani yake. En lui. Amweze kuya bongo. Il peut pas y avoir les mensonges. Mungu apate kumbariki. Que Dieu bénisse. Tu risema imamo na vendredi. Nous avons parlé sur ça le vendredi. Mukristo ashikalake mtu wa bongo. Un chrétien n'est pas un menteur. Apana. Non. Na Biblia kuna sema. Et la Bible dit. Bantu bote ba kusema bongo. Tout homme est reconnu comme menteur. Na bantu benye kuwa na chuki. Et le aîné. Abatenda mwalevma. N'hériteront pas. Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. Mungu apate kumbariki. Que Dieu bénisse. Parce que bongo frère. Parce que le mensonge. Kama mtu vie yake. Si quelqu'un sa vie. Iko yenye kuya influencer la bongo. Est basé sur le mensonge. Ni mbegu ya shetani. C'est la semence du diable. Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. Ni Biblia ndio kunasema. C'est la Bible qui parle. Mutoto wa Mungu wa byakweli. Un enfant de Dieu véritable. Upana ya roho yake. Il parle dans le plus profond de son cœur. C'est comme ça qu'a toujours été chrétien. Il n'y a jamais un frère qui vit une vie bongo. Qui vit une vie de mensonge, qui va aller dans l'enlèvement. Personne. Que Dieu bénisse. Regardez le temps dans lequel nous vivons. Le diable a déjà dominé beaucoup de personnes. Les gens parlent le mensonge, c'est comme si Nakonjo Maisha. Un chrétien n'est pas comme ça. Que Dieu bénisse. Un chrétien parle dans le plus profond de son cœur. Parce que tout ce que tu dis sur la terre, tu iras répondre pour ça. C'est la vérité. Wakati iko frère, le temps où ni akila nduku na kila dada, que chaque frère, chaque soeur, kuishi utakaso kupita kitu kiyote, vivre la sanctification plus que toute chose. Kupita kitu kiyote, il doit vivre la sanctification kwenda plus mbari que toute chose. Na vie ya hypocrisie, aller loin de la vie de l'hypocrisie, kwenda mbari, aller loin. Parce que Jésus-Christ est qu'on a couillé. Jésus-Christ revient. Kama muko mujama. Si je suis dans une famille. Bibi na bwana. Vous êtes dans une famille, mari et femme. Parlez-vous selon la vérité. Mungu apate kumbariki. Que Dieu bénisse. Mwambiane vérité. Parlez selon la vérité. Vendredi tu disais. Le vendredi nous avons dit. Bongo ni bubaya sana. Le mensonge c'est une mauvaise chose. Kama mtu anakulanda. Si quelqu'un te ment. Il ne calera mukutosha confiance. Ça ôte d'abord la confiance. Tout les semaines vendredi. Nous avons parlé sur ça. C'est pourquoi mon Christ. Je commande un chrétien. Qui soit frère ou sœur. Comment vous voulez que votre couple, votre famille puisse tenir ferme. Parlez selon la vérité entre vous. C'est la vérité. Nous quoi Moi combien la vérité. Parler selon la, bongo, la vérité. Ina le mensonge n'est pas une bonne chose. C'est une très mauvaise Paka chose. Tu bongo, au milieu de ces mensonges que tu avais prononcés, si tu n'arranges pas ça, tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater l'enlèvement. Même si ça date de longtemps, mais si Dieu a la possibilité de vous rappeler encore, Tubu. Répands-toi. Mungu apate mbariki. Ki Dieu bénisse. Yesu Kristo karibu kuya. Jésus Christ est sur le point de. Kila nduku na kila dada. Chaque frère, chaque soeur. Anapasha kuya tayari. Doit être prêt. Kwenda mbari na maisha ya buchafu. S'éloigner avec toute vie de suir. Bongo ni buchafu. Le mensonge c'est la suir. Et c'est pas moi. On est ensemble. Oui frère. Dieu nduku. Bongo na boshini buchafu. Le mensonge aussi c'est s'essuyer. Parce que Dieu dit, Shetani, le diable, Njo baba wa bongo. C'est lui le père du mensonge. Bongo ni buchafu. Le mensonge, c'est l'esprit de salité. Tu vis une vie à Mansoula. Tu vis dans la salité. Tu n'iras pas dans l'enlèvement. Que Dieu bénisse. Na kama konaishi, vile konaishi. Et si tu vis tel que tu le vis là, c'est parce que tu as renié la promesse de Angaria, Dieu. Frère. Regardez Nduku. Previa kuonesha kusema. Kionesho de Dieu. Wewe unakatala malako wa milele. Tu as renié la promesse de Dieu. Ni bile bibaya konachunga maisha yako. C'est le mal, le choc que tu gardes dans ta vie. Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. Donc kila nduku na kila dada. Chaque frère, chaque soeur. Bile unachunga. Ce que tu gardes. Ouais, peke ko témoin. Toi, tu es un témoin seul. C'est ça la certitude. Aïla ko sema ba frère banayo. Ce n'est pas pour dire que les frères sont courants, non. Badada bayoué. Les sœurs en sont. Parce que il message qu'on entre directement mon cœur. Parce que ce message entre directement dans ton cœur. Est-ce que tu pas moi? On est ensemble. Donc, bile wewe ushakuchunga. C'est que toi tu gardes là. Iki aina sauti. Ça ce n'est pas la parole de Dieu. Iki aina sauti. Ce n'est pas la parole de Dieu. Iki na kio aina sauti. Ça aussi c'est pas la parole de Dieu. Mais on habitunga. Mais néanmoins tu les gardes. Je préviens. C'est ça, la preuve qui honnête que j'ai conduite pour te dire que toi, tu as déjà renié la promesse de l'Éternel. On est ensemble. L'Église a beaucoup parlé. Mais les gens continuent toujours dans les péchés. Il est un signe de malédiction. Ça, il y a l'ama, il y a la hana. Que Dieu bénisse. Notre église devait être comme l'église primitive de Paul. Que Dieu bénisse. La façon dont les frères et les sœurs se comportent. La façon dont les frères et les sœurs s'habillent devait être comme du temps de la Bible. Parce que le message que nous avons reçu, Maria, comment Ndouk Branham prêchait aux États-Unis d'Amérique, il parlait dans que yote pour laisser les gens dans la sanctification. Que Dieu bénisse. Allez loin de la suivante. Allez loin avec la civilisation. Allez loin avec le monde. Mais l'église d'aujourd'hui, les gens laissent les gens vivre tel qu'ils veulent. Ceux qui veulent mettre des mains, ils mettent. Ceux qui sont en train d'éclaircir la peau, ils sont en train de les faire. Ceux qui s'habillent en collant, ils sont en train de les faire. Mais néanmoins, ils sont en train de s'appeler Bibi Arusi. C'est faux. Que Dieu bénisse. Regardez ma soeur. Ouais, si tu as déjà éclairci la peau. Partout tu vas passer, là où il y a des chrétiens, ils sauront que tu n'es pas chrétien. Même si tu deviens prédicateur Mubiri, on est ensemble. Ils vont découvrir ce païen. Par respect, ils vont t'accueillir. Ils vont te laisser faire ce que tu veux. Mais dans leur cœur, ils sauront que la vie, cette vie, ce n'est pas la vie des chrétiens. On est ensemble. Parce que Christ, parce qu'un chrétien, il est connu à travers son comportement. Où est-ce qu'avez-vous déjà vu du temps de Paul dans la Bible? Les chrétiens qui s'habillaient en jupe collant et Yakubabamba. Où? Le jupe Yakubabamba et les sœurs sont en train de mettre. C'est l'esprit de la prostitution. Que Dieu bénisse. C'est l'esprit de la prostitution. Parce que si quelqu'un s'habille en collant, c'est pour montrer son corps, son objectif, c'est que les hommes puissent voir le bassin pour qu'ils puissent convoiter. C'est la vérité. Le diable est tellement rusé. Quand il s'habille en paille, quand il fait un pas, la partie de la cuisse se laisse à découvert que j'avance d'abord devant. akipiga pamoja si elle fait un pas il partit comme il n'onekana de la cuisse céleste voir tu es prostituée. Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. C'est la vérité. Du kweli. On est là, on a vu la tricot. Vous allez vous habiller en polo. Comment on a fanya ici? Quand tu te penses, ah papa qui va qui à partir de la hanche, laisse la découverte. Tu as l'esprit de la prostitution. On a vu la nguo. Vous vous habillez. Comment on a fanya ici? Quand tu lèves ses mains au bras, l'ombilic laisse la découverte. Tu as l'esprit de la prostitution. Est-ce que toi, on est ensemble. Mouakati abamitume. Du temps des apôtres, au temps des apôtres. Nos sœurs ne s'habillaient pas comme ça. Apana. Non. Kanisa ya Yesu Christo. L'église de Jésus-Christ. Il n'a pas sa kuishi utakaso. Doit vivre la sanctification. Mumambo yote. En toutes choses. Ataka mauko marié. Même si basha kukoa. On a voit la mubaya qu'on est pris à bundu. Tu t'habilles mal, tu as l'esprit de la prostitution. On a voit l'ankanjo. Tu mets une robe. Ma jipon kononekana. Les jipons, les amis de l'intérieur, c'est les couverts, les cuisses, les couverts. Ataka mauko marié. Même si basha kukoa. Tu as l'esprit de la prostitution. Pour le jugement. Ukumu là-bas. Utaenda kujikuta na babwana bami. Tu vas te retrouver avec beaucoup des hommes. C'est la vérité. Nous quoi? Oui frère. Ni la bandade d'abord de voir la ville. Et toutes sœurs qui s'habillent comme ça. Ni Dieu bana katala neno ya Mungu. C'est parce qu'ils ont renié la parole de Dieu. Mungu abadam barik. Que Dieu bénisse. Bana katala. Ils ont renié, ils ont refusé. Joka manako naona. C'est pourquoi vous voyez. Tabia yote ya kidunia. Un comportement mondain. Inarudia tena mkanisa. Et revenir dans l'église. On a vu la blouse. S'habille dans une blouse. Majiba yote inje. Avec tous les seins à découvert. Toi aussi, tu t'appelles Mteoule. Tu n'es pas un Eli Uko Akidini. C'est la vérité. Mkweli, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Oui, parce que le Dieu qui t'a appelé, il devait te révéler même comment s'habiller. C'est la vérité. Mkweli. C'est comme ça que les chrétiens ont frère, toujours été. Aujourd'hui, nous vivons au temps où Kizungu. La civilisation qui a fait les gens de fous. Est-ce que tu pas mourir? On est ensemble. La civilisation d'aujourd'hui qui a fait des gens de fous et de folles. Angaria frère. Regardez-nous. Regardez ma soeur. À cause de la civilisation que nous avons aujourd'hui, ma esprit ba frère mingi na badada mingi ko suye. Les esprits de frères et de sœurs essuyés et nesha kwalabika kuchafuka. Est-ce que tu pas mourir? On est ensemble. Oh, on y a un bien frère. Dis-moi, Angaria. Regardez. Kama mutu mumaisha yake. Si quelqu'un dans sa vie. Kazi yake ni kwanza kufuata pornographie. Sa vie, c'est suivre ses mains des films pornographiques. Atageuka kashukan. Comment est-ce qu'il sera converti? Quand? Hein? Quand est-ce qu'il sera converti? Mungu nasikia ma sauti ya Mungu na légèreté. Vous écoutez la parole de Dieu na kwa upesi. Mais kuko profondeur. Mais kuko pana ya la profondeur derrière. Est-ce que tu pamoe? On est ensemble. Angaria. Regardez. Unaona wakati shetani lorsque le diable anajiarrange anatengeneza ici arrange pour que à vous les battes entraîner dunia mu corruption conduire entraîner le monde dans la corruption muharibifu c'est que mawazo ya bantu le pensée des gens il a quoi déjà ensorcelé et déjà ensorcelé pour que le mutu a ile namna pour qu'une telle personne amugeu qui était là au milieu retourner à Jésus-Christ ça devient difficile. Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. Parce que pensée yake. Parce que wazo yake. Shetani anaingia mu pensée. Le diable est entré. Anashuka na muami yake. Il est entré même dans son âme. Anashie biote. Il a tout suivi na la biche biote à la tafusha. Et l'homme est devenu insensé. Mais eko pa mkanisa. Néanmoins, il est toujours dans l'église. On va retourner à Kizungu. On nous a amené la civilisation. Regardez. Mutu onekala ku internet. Quelqu'un qui se met à l'internet. Mutu onekala bitu ya kuchafu. Entre égal et histoire souillée. Angaria shetani ko tellement mubaya. Le diable est vraiment méchant. Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. On a bien bitu shetani analeta pa dunia. C'est que le diable a amené sur la terre. Ni ju ya ku corrompre bantu. C'est tout seulement corrompre quoi la biche za miri ya bantu. Est-ce que tu comprends moi? Kuharibisha esprit ya bantu. Donc bantu wanakuwa bakualabika mu esprit. Les gens sont devenus suyés dans leur esprit. Na hiyo ndilo wakati kuna ubiruviwa. Donc, esprit avant tout, j'ai quaribika. Les gens manèchent à kouosa, ils sont pourris. Bah, jeunes filles. Les jeunes filles, babi. Venez pour engager ma Android. Qui regardent dans deux téléphones Android. En regardant les films pornographiques. Ils ont pris la malédiction. C'est la vérité. Nukweli. Que Dieu bénisse. Parce que frère Branham, on a ce que le frère Branham dit. Mon jeune âge. Si la personne est encore jeune, c'est le moment idéal de recevoir, de tenir les choses de Dieu. Est-ce que on est ensemble? Mais le diable s'est arrangé aujourd'hui au nom de la civilisation pour arroser chez Amiria pour tous les enfants. Les enfants que Dieu nous a donnés, nous devons les éloigner, les écarter avec les diables. Au moment où nous vivons, le temps est tellement mauvais où chaque frère, chaque soeur doit répondre sur ce qu'il avait donné à ses enfants. Mapendo, l'amour, onesha mtoto neno ya Mungu. Montrez à votre enfant la parole de Dieu. Njo mapendo. C'est ça l'amour. Est-ce que tu comprends moi? On est ensemble. Bila bitu bina suye esprit. Les choses qui ont osé faire la famille, ça c'est ma projet. Même le grand personne, le frère, ils se sont livrés encore à la prostitution aussi. C'est la vérité. Nukweli. On a frères, ils ont des copines à la cité. Copine mwingine anatokelea anasema. Une autre copine à Paris dit. Eh, na ba frère bena wanatafutanaka. Le frère aussi dit, le frère aussi drague. Votre frère l'a marié, il m'a dragué. Ah, aussi qui tu n'as pas honte. Mungu bote mbariki. Ari nifuata la kwanza mimi namkataa. Pour la première fois il m'avait coupé. Ana nifuata tena mimi namkataa. Et encore pour la deuxième fois. Le frère wenu. C'est votre frère. Unapenda nikutaie engine. Tu veux que je cite même le nom. Je n'ai pas besoin d'engine. Mais ni frère wenu. Mais c'est votre frère. Wa mtabernacle. De tabernacle. Honte à toi. Jésus Christ revient. Même si toi tu es là, Jésus Christ atakuya mwakati ya kufa, il revient. Nous kweli. Nous devons vivre aujourd'hui. Chaque frère, chaque soeur, dans nos cœurs, il doit y avoir waraka. Angalia frère. Regardez nous. Frère Branham on a sema. Donc Branham dit. Mon message mon Michigui en a eu hapa. Je n'ai pas porté ces. Hâte-toi de te sauver là. Il dit. Araka ou Frère Branham on a sema. Frère Branham dit ceci. Kama kuko kintu. Si y a une chose. Kile ibu subui. Que ce matin. On en a qui n'ont pas posé chez enlèvement. Qui peut vous empêcher l'enlèvement. Ou qui t'engenèze pas cap. Arrange ça maintenant. Est-ce que tu vas mourir? On est ensemble. Arrange ça. Dans ce monde, il n'y a rien d'important. Tout ce qui, si vous arrangez toutes ces choses-là, Dieu va t'aider. Il ne faut jamais commettre l'erreur de quitter cette église avec ses problèmes. Jésus-Christ revient. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Chaque frère, chaque soeur doit méditer à ce qu'il dit. Au moment où nous sommes en train de méditer, nous pouvons tenir debout et chacun de nous doit méditer. Si Jésus-Christ revient, je vais aller ou pas? Tu vas aller ou pas? Jésus-Christ ne ment. Dieu ne ment pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus difficile que Jésus-Christ? L'enlèvement mais Aliako et comment? Toi qui t'appelles élu, est-ce que tu n'es pas dans la même erreur? Est-ce comme que Sarah? L'attitude que tu manifestes, ton cœur est agité. La vie est en préparation. Pourquoi l'as-tu préparé à ou pas? Yesu rafiki aliye nipenda akaniokoa mimi katika msalaba. Prions Dieu tous ensemble. Jésus-Christ est sur le point de revenir. Il y a des temps où chaque frère, chaque soeur devait se préparer, c'est aujourd'hui. Jamais repousser ce qu'il devait faire aujourd'hui, demain. Le temps est avancé. C'est le temps pour nous de nous préparer comme vous voulez. Abraham s'est préparé. Il avait l'attitude qui plaisait à Dieu. Toi aussi, c'est le temps d'ôter la mondanité, d'ôter les péchés, d'aller loin avec l'esprit, parce que Jésus-Christ revient. Prions tous ensemble.